Nikuibe kursi do samana Nikake ikakobake o Nimake ikakumabafo Attention, guerre civile. Aïe, pas ou nye, aïe, pas ou nye, n'amma pas ou nye, n'amma pas ou nye, ata flani tchétié. Aïe, pas ou nye, aïe, pas ou nye, n'amma pas ou nye, n'amma pas ou nye, ata flani tchétié. Les Djaheli et les flancs à fort sont tous des Ouyafola.